Je reviens aujourd'hui avec un sujet que j'avais déjà abordé, car malheureusement, certaines tares ne disparaîtront jamais. En l'occurrence, je vais parler des poutins. Cette odieuse manie de commère de colporter des ragots sur qui couche avec qui est un véritable fléau, révélateur de la misère intellectuelle et culturelle de notre société. Il est vrai que ce loisir douteux a existé de tout temps, prenant racine dans les ondits de comptoir, à skip pour les plus jeunes, et diffusé largement lors de conversations animées entre nourrices et femmes au foyer à la sortie des écoles. Dans les deux cas, il s'agit d'un stupide divertissement pour des gens qui s'emmerdent, ce qui n'est ni plus ni moins l'ancêtre de la télé-réalité. Toutefois, les indiscrétions et les médisances se sont démultipliées avec l'arrivée des réseaux sociaux. Il se trouve qu'une fois de plus, les outils mis à disposition de chacun sont utilisés à mauvais escient. En effet, les nouvelles technologies donnent accès à un savoir quasi illimité. Malgré cela, les simples d'esprit préfèrent se divertir en scrutant les faits et gestes de leur entourage plus ou moins proche. Car pour notre malheur à tous, les people ne sont désormais plus les seuls à souffrir des intrusions répétées dans leur intimité. L'existence paisible de n'importe quel anonyme peut être brisée d'un instant à l'autre par des divulgations mal intentionnées. C'est pourquoi il serait bon, au lieu de critiquer la sexualité de son prochain en pensant à tort être au-dessus de tout soupçon, de se rappeler qu'il ne faut jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. D'autant plus que la roue tourne et que la rumeur n'épargne personne. À savoir que généralement on met les actes jugés inadaptés de son prochain sur le devant de la scène pour faire diversion afin de cacher les cadavres qui s'empilent dans son propre placard. C'était Evan Matisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes.